Non, c'est bon, tous les membres importants sont là, tout va bien. Ok, hop, c'est bon. On est de nouveau en live. Rebonjour le live. Et bonne année. Et bonne année. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout va bien se passer. Donc. Mes amis, vous êtes donc arrivés dans ce lieu, lieu de connaissance, si il est certain, au vu du nombre de bibliothèques présentes et d'objets sur un peu sur les tables et tout ça. Heinrich, voilà, tu as toujours cette statue dans les mains, où tu as fait ton petit cours théorique dessus, le fait que ça a l'air d'être une statue de la déesse de la justice et qui présente les différentes justices dans ses différentes mains. Différentes mains qui tiennent des fois une plume, un globe, un livre. Tu vois qu'il y a d'autres objets, voilà. Tu n'as peut-être pas la connaissance, en tout cas tu n'as pas reconnu sur le coup. Qu'est-ce que tu fais de cette statue? Tu la laisses là? Tu vas revoir un autre truc? Voilà, je... Heinrich? Non? Oui, pardon. J'ai parlé dans le vide, c'est ça, non? Non, pas du tout. Ah, j'ai pas entendu la deuxième moitié de ce que t'as dit. Ah, ok. Je posais la question... Dans la main, tu fais quoi? C'est ça, je posais la question de qu'est-ce que tu fais d'autre que... que toi d'avoir fait ton petit speech sur la statue en fait. Bah du coup s'il y a des bouquins, je vais quand même survoler les bouquins, voir s'il n'y a pas quelque chose qui va parler du trésor qu'il est censé y avoir ici. Je veux dire, il y a un trésor quoi, donc, voilà. Oui, il y a un trésor apparemment, selon en tout cas les récits que tu as récupérés à droite à gauche. Il n'y a pas un trésor selon, c'est il y a un trésor. Juste que oui. Je le trouve. Oui, selon les récits que tu as eus. Voilà, après, je. Peut-être que le trésor est-il mais... la connaissance des lieux. Oh, ta gueule, toi. Donc, bah, tu vois que dans les livres, ouais, t'as un peu de tout. T'as comme je dis, il y a des langues que tu comprends pas, hein, d'autres qui sont des langues qui sont plus habituelles. T'as vraiment tout. Ça part en gros sur le principe de comment planter des radis dans le secteur voilà, du coin jusqu'à explication des arbres généalogiques des grands barons de Wolfsberg tu as des trucs un peu plus ce qui semble plus ésotérique où tu comprends pas tout mais tu penses que c'est peut-être lié à de la magie, tu t'es pas certain quoi, en tout cas. Voilà, c'était un peu de tout. Donc, est-ce que tu cherches donc un truc un peu plus lié à ce trésor? Tu trouves un peu une liste de, on va dire un peu une, oui, on va dire une liste tout simplement en fait de. D'objets en fait qui semblent avoir qui semblent être présents dans ce lieu en fait. C'est une enfin ouais, je sais pas comment dire ça autre que liste. Il y a un autre mot, j'arrive pas. Un inventaire, merci, je cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, qui semble être un inventaire en fait des lieux. Et où il y a, enfin voilà, il y a des mots que tu ne connais pas, tu penses que ça va être le nom d'objets que tu ne sais pas, mais voilà, t'as un inventaire avec ce qui semble être des numéros en face, sûrement des numéros de porte ou de quelque chose. Voilà. Bah du coup déjà pendant qu'on est en train de ramasser des bouquins tous les deux, je vais quand même demander à Klaus pourquoi lui il ramasse des bouquins, parce que bon, ça a pas l'air d'être son, disons, son activité de prédilection, on va dire. Ah, Nine, tout à fait, je ne suis pas un grand amateur de lecture. Et putain, tiens, il revient à l'assaut ce con. Nine, c'est pour un ami et bibliothécaire qui m'aide de temps en temps. Alors je peux le récompenser, outre l'argent que je lui dépose, je lui ramène des livres qui peuvent peut-être combler son avidité de connaissances. Il a une spécialisation quelconque, le bibliothécaire, ou... Nine, pas ma connaissance, il répond à beaucoup de questions. Il est spécialisé en livres. Il est spécialisé en tout. Bon bah du coup en fouillant à travers les bouquins, je te montre l'un ou l'autre bouquin qui peut être intéressant du coup. Mais chouette. Voilà, moi je... Voilà, tu prends, on va dire, tu prends 3-4 bouquins. Ouais, c'est ça, 2-3-4. Pas non plus trop lourd parce que faut. Oui, pas non, mais ok, mais tu. Mais note-les dans un coin, on définira. Oui, je les ai notés. Voilà, ok, très bien. On définira par la suite ce que ça peut être. S'il peut y avoir des trucs intéressants de ce que tu as pris, vu ce que ça a été proposé par ton ami Heinrich. Très bien. Donc, Arbiter, toi qui étais plus ciblé sur ce globe. Oui, oui. Qui tourne. Alors tu comprends pas trop comment ça tourne. Il y a pas l'air d'avoir de mécanisme. Il y a pas l'air d'avoir de mécanisme en tout cas. Mais si t'essayes de l'arrêter, en fait tu vois que si tu poses ta main dessus, en fait ça s'arrête. Et quand tu l'as, tu l'enlèves, toi ça repart tranquillement. Quoi. D'accord, je vois. Voilà. Donc voilà. Après, tu sais pas trop parce que vous savez pas trop si ce monde est comme ça. Le monde est plat. Oui, quatre éléphants, une tortue, tout ça. C'est une bonne question. Apparemment, en tout cas, ce lieu montre peut-être le monde parce que tu penses que c'est le monde, mais t'es pas trop sûr parce que tu sais même pas où tu pourrais te mettre en fait ici sur ce lieu. Mm-hmm. T'arrives pas à définir le point. Est-ce qu'il y a genre une plaque ou peut-être un livre à côté, genre un truc qui ressemblerait peut-être à un mode d'emploi? Manuel d'utilisateur. Alors, c'est clairement, bon, hein. Clairement, non, il n'y a pas le mode d'emploi, il n'y a pas le how to. Mais il n'y a pas le globe pour les nuls. C'est ça. Il n'y a pas le globe pour les nuls. Globe trotteur pour les nuls. Mais t'as une petite plaque en dessous qui dit que. Qui remercie en fait. L'archi-évêque Tol-Sadoum. Vous pouvez donner l'archi-évêque de Tol-Sadoum, c'est ça. Ok. Pour sa donation attends, je note en même temps parce que vas-y, ça peut être marrant. Prends ton temps, mon cher. Pour sa donation, de ce globe en fait, et du monde. Alors je sais pas, on n'avait pas précisé le nom du monde. Je sais plus. Semble pas. Secteurs, non, parce que ça fait pas partie de nos préoccupations premières. Donc voilà. C'est ça. C'est le seul monde que les personnages connaissent, alors ils s'en foutent de savoir comment ils s'appellent. Voilà, la donation du globe de ce monde. Et en fait, donation de ce globe de ce monde et de ces lignes telluriques, en fait. Oh. Voilà. Mais oui, je pense que c'est. Personnellement, je ne comprends pas de quoi parle la plaque. Je sais pas ce que ça veut peut-être dire tellurique, mais voilà, je sais pas. Non, je ne comprends pas de quoi parle la plaque, étant donné qu'on vit sur une planète plate, supportée par 4 éléphants sur le dos d'une tortue. Elle-même sur le dos d'une autre tortue, etc. etc. Oui, voilà, une autre tortue sur le dos d'une autre tortue, et ainsi de suite. Turtles all the way down. Pour non, moi, le bluff, c'est juste du bullshit, de la déco, quoi. C'est... Non mais enfin, j'en prends note mentalement, hein, pourquoi pas, c'est une représentation de notre monde, qui sûrement, en fait, c'est une espèce de représentation un peu particulière, parce qu'en fait, on ne voit pas les éléphants et les tortues, parce qu'en fait, elles sont à l'intérieur du globe, en fait, ça le truc. Et du coup, en fait, c'est une espèce de construction... Tridimensionnelle inversée. Tridimensionnelle inversée, kaléidoscopique, où en fait, c'est pour ça que t'as des... En fait, c'est pour ça, en fait... qu'on a l'impression qu'il y a des tortues en dessous de chaque tortue, c'est parce qu'en fait, c'est quand tu le regardes à travers le prisme de ce globe, les tortues en fait se reflètent et du coup ça fait comme les miroirs infinis là, et du coup voilà. Ouais, d'accord, tout à fait, d'accord, je comprends. Et du coup, en fait, le monde est en fait un globe sur 4 éléphants, sur les tortues, c'est juste qu'en fait c'est tout à l'intérieur du globe. Voilà. J'ai rien. Ok. Sympa. Célène, est-ce que tu fais quelque chose de particulier ? Oui. Pendant que eux, ils sont très sur le matérialisme, moi je vais essayer de détendre mon esprit pour voir si je peux toucher un autre esprit plus loin ou pas. Ah ! D'accord. Alors comment tu fais ça ? Enfin, qu'est-ce que... Explique-moi un peu ta... Je vais aller me poser dans un coin, assise. Ouais. D'accord. Comme les moines. Elle tend le bras et elle touche les... Non, ça va plus être la conscience qui s'étend, si tu veux, pour essayer de toucher quelque chose, une autre ligne de vie. Okay. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, oui, oui. Oui. Je cherche... Je sais pas si c'est un discerner la réalité un peu bizarre ou c'est... J'ai Vision Spirit qui va avec le discerner la réalité, ouais. Oui, t'as le truc, oui, qui... Bah, c'est une capacité. Ouais, ouais, non, bah oui, bah lance-la, le discerner la réalité, alors. Hop. Du coup, faut que tu lances un jet pour discerner la réalité. Ouais, je suis parti du coup. C'est dans la base, discerner la réalité. Ouais, il me disait aussi, il est plus là. Oui, non, mais désolé, ouais, j'ai utilisé. Oh, c'est un succès complet. Non, mais elle veut pas d'XP, hein. Non. Non. Je crois que t'as pas compris le principe. Tu rates les jets pas importants et tu réussis les jets importants. Eh, t'as vu. Ok, donc c'est une réussite, un 10 plus que tu as fait, donc succès complet. Donc tu as 3 questions dans la liste, dont celle qui concerne donc tes esprits, la vision spirit. Voilà. Donc je pense que déjà tu commences par celle-là. Ouais, oui. Alors clairement tu utilises ta vision. Alors, je te laisserai expliquer un peu les types de vision que tu auras. Je te ferai la description. Mais clairement il y a des esprits. T'es dans un lieu où il y en a pas mal même, je dirais. Mais c'est des esprits qui ont pas l'air de trop réagir. Ils sont là qui un peu qui passent tranquillement tout ça. C'est plutôt des esprits d'humains. D'humains morts en fait. Ça a l'air d'être les esprits sûrement de cadavres. De morts qui ont dû être enterrés sous la cathédrale ou peut-être peut-être des catacombes. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça, en tout cas, au vu du nombre d'esprits de ce genre. Voilà un peu les esprits que tu as autour. Tu ne ressens pas d'esprits différent de ça en fait, voilà. C'est pas des esprits d'animaux, c'est pas des esprits de comment particuliers quoi. Voilà, c'est vraiment des esprits d'hommes ou de femmes bien sûr. Voilà. Ils viennent et ils réagissent pas. C'est ça. Tu t'entends, tu vois qu'il y en a certains qui réagissent peut-être un peu plus à ta présence, mais tant que tu les embêtes pas, en fait, ils ne vont pas réagir de façon particulière. Si tu les embêtes un peu, tu vois qu'ils vont réagir, mais plus en réaction à ce que tu vas leur faire. Quoi. Ouais. Et pour les lignes de vie, clairement, tu sens tu sens en fait qu'il y a vraiment du monde, qu'il y a vraiment enfin de la vie d'hommes et pas animal genre rongeur et tout ça sur une des portes. Donc on va dire que c'est la porte de droite quand tu rentres. Plus voilà par là-bas où clairement il y a de la vie, il y a du monde. Okay. Il y a du monde. Tu sais que enfin tu peux te dire que ouais la bande à sa tronche est sûrement et voir sa tronche est sûrement par là-bas. Quoi. De l'autre côté il y a peut-être quelques lignes de vie mais pas grand chose. C'est comparé à l'autre côté quoi. Ok. Voilà, donc pour cette première question, t'en as deux autres. Ouais. Du coup, là-dedans, ce serait plutôt... qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être ici ? Qu'est-ce qui ne semble... Alors, qu'est-ce que... Putain, je vais jamais rêver avec cette question. Alors, le club, en fait, est un vieux... Un truc qui est là, mais que c'est pas ça. Quoi qu'on caisse. Une petite fille, mais qui en fait c'est une série. Bah, je vais te répondre très simplement. C'est arbitraire, ce n'est pas ce qu'il paraît être. Non, c'est un truc tout bête. C'est une des bibliothèques qui est contre un mur, qui n'est pas réellement une bibliothèque, mais plus une porte. Voilà qui est intéressant. Voilà. Donc ça ne semble pas être ce que c'était, voilà. Et il te reste donc une question. Bon, est-ce que je suis vraiment obligé d'en reposer une vu que je n'en vois pas d'autres qui me seraient utiles? Bah si tu penses qu'il n'y en a pas d'autres qui t'est utile, après c'est toi qui c'est. Tu as droit à trois questions, ouais. Voilà. C'est juste trois questions, les deux, tu les choisis. Deux, tu... Ouais. Les deux que j'ai posées m'intéressaient le plus, donc je vais rester là. Ok, très bien. Bah, je te laisse voir avec tes collègues. Si les autres sont encore occupés de faire leur fouille ou non. Par les théologies sur un globe. Ouais, moi je pense parler globologie sur un théologue perso. Avec l'arbitre qui parle en faisant des signes plutôt qu'en parlant, tu vois. C'est ça. Mais non, il y a pas. Je me suis assez rapidement désintéressé du globe une fois que bon, c'était pas. Bon, on va trouver quelqu'un à tuer. Si vous voulez quelqu'un tuer, il y a des gens par là. Là, je monte la porte où j'ai senti le plus de vie. Et si vous voulez des trucs intéressants, il y a cette bibliothèque qui n'en est pas une. Qui ont la bibliothèque ? En tout cas, leurs livres sont plus genre... Vous voyez ? Des trucs qui sont collés entre eux plutôt que quelque chose de consultable. Chose difficile. Ah non, moi je suis déjà devant la bibliothèque en train de tirer sur tous les livres les uns après les autres. Non. Bon bah du coup je te suis, hein. Tant pis. Je vais continuer à ronger mon frein avant de pouvoir tuer quelque chose. Donc bah, à force de toi de tirer sur tous les livres, bah voilà, il y a le mécanisme bien sûr qui s'active et la porte dérobée s'ouvre. Clairement, vous devez être les premiers à le découvrir, à l'ouvrir depuis très longtemps. Parce que là, vous avez un appel d'air et une bouffée de poussière, en fait, qui arrive. Voilà. Ça sent le renfermé par là. Ah, clairement. Non, ça sent le trésor. Enfermé. Trésor. Trésor. Tu me fais penser. Je fais plus penser aux merde aux créatures qu'on utilise dans. Oh putain, j'avais joué il y a 3 secondes. Bref, on s'en fout. Oui. Donc ça marche. Alors, ok, donc voilà, c'est. Donc il fait clairement sombre hein, dans ces pièces, il n'y a rien allumé. Parce que dans celle où vous êtes, clairement, il y avait des, comme je dis, il y avait toujours des torches qui étaient allumées. Comme je dis, c'était entretenu apparemment quand même. Il y avait quand même de la vie. Là, c'est tout le contraire. Hein. C'est un lieu complètement délaissé qui n'a pas connu de vivant depuis sûrement quelques centaines d'années, voire un peu plus. Voilà. Ah bah suffit d'aller prendre une torche dans la pièce où il y en a et puis voilà, faire régler. Hein. Ok. Donc tu rentres dedans. Au départ en fait c'est un couloir, voilà, tranquillement, qui mène vers une pièce qui est pas très grande. Mais enfin, en tout cas, assez pour vous soyez tous à l'intérieur sans aucun souci, tout ça. Mais comparé à avant où c'était énorme, enfin, c'était un lieu de travail énorme et tout ça, là ça fait plus un peu bureau, voilà, un peu plus grand que la moyenne, mais sans plus. Et sur lequel ben, y a des étagères avec des livres, là clairement des outils sûrement de travail, et sur le bureau un gros livre ouvert qui comparé à tout le reste, il n'y a aucune poussière dessus en fait. Vous voyez que tout est y a de la poussière partout sauf sur ce livre. C'est genre toi le truc qui repousse poussière quoi. Toi, c'est marqué Made in. C'est ça, c'est Made in. C'est marqué Swiffer dessus. C'est ça. Il est magique, il est auto-nettoyant et ou magique. mais voilà, une plume semble toi tomber sur un des lieux et quelque chose a été voilà apparemment griffonné peut-être avec rapidité sur la dernière page comparé au début de page qui semble être plutôt calligraphié. Voilà. Il y a griffonné. Ils arrivent. Ils sont là. Oh, la merde, ils ont un troll des cavernes. Les tambours résonnent. Boom, boom. Non, vous avez rien fait tomber donc ça va encore. Oh mais ça peut... Ah si c'est que ça, ça peut s'arranger hein. Plus proche. D'ailleurs, je m'approche d'un truc où je sens pouvoir m'asseoir. Non mais après il faut une armure et tout, c'est bon, on va balancer Arbiter dans un puits et puis... Le pire c'est qu'il survivra. Il va remonter, il va être très en colère, il va défoncer le troll et tout ira bien, tu vois, c'est nickel. Et le Balrog choisira de pas venir, tu sais. Fuck that shit. Non, je suis en arrêt maladie aujourd'hui. Non, il fait grève pour sa retraite. C'est voilà, il peut pas venir, il est malade. C'est un Balrog de la sécurité. Il a de la fièvre, il fait plus de 37,5 donc. On parle en milliers de degrés, hein, évidemment. C'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est parce que bon, ça fait 25 000 ans qu'il cotise, et si c'est pris sur toute sa carrière, ça l'arrange moins, donc bon. C'est ça, quoi. C'est le problème avec les points, quoi. Les points, ça le met dans la merde. C'était mieux quand c'était pris sur ses 10 meilleures années, c'était vachement plus rentable. C'est 10 meilleurs de millénaires, tu veux dire. Non, allez. Pardon, allez, hein. C'est pour ça que c'était tellement avantageux. C'est ça. Parce que là, vous comprenez. C'est le rendez-vous de la CGT, des grands méchants. Tu prends juste les 10 années où t'as déglingué un vieux barbu, et puis c'est bon, à faire rire, tu vois. C'est clair. Aïe, aïe, aïe. Je crois que cette partie est passée sur le côté obscur de la force. Donc alors là, vous entendez des piquets de grève un peu plus loin et vous entendez au loin dans les cavernes. CGT Non mais on se la pose jamais assez la question des cotisations retraite des monstres de donjon. Hein. Ça mériterait presque de faire un... C'est ça, JDR, ça. Franchement, ça vaut tellement le coup. Je pense que ça doit exister, faut juste le trouver. Donc tu joues Donjon et cotisation, c'est ça. Donjon et cotisation. Oui, alors là j'ai monté d'un niveau, du coup j'ai mis mes points en. Ah non, on veut pas de points, on t'a dit. Ah merde. J'ai tout mis sur mon CET en attendant. C'est ça. Je savais pas où, sur quoi focus, du coup j'ai tout mis sur. Aïe aïe. Ok. Bon. Alors. Reprenons. De toute façon, un peu plus calme. Ça va être déplacé là. Ça va être difficile. Je suis d'accord avec Sparrow là. Alors, ouais, et Gandalf il a une carrière fractionnée, ça repart à zéro quand tu meurs ou pas. Bonne question, hein. Il y a que des cas spéciales avec les héros, c'est chiant quoi. Les régimes spéciaux chez les héros, c'est chiant quand même. Non mais en plus spéciaux dit spécifique. Non mais Gandalf c'est compliqué parce qu'en plus il a changé d'identité en cours de route. Ah ouais, en plus. Ouais, il a changé de caisse alors. Il était cadre, il est juste passé technicien quand même, hein. Aïe aïe aïe quoi. Ouais. Oh là là quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre dans ce lieu, hein. Mais bon. Donc voilà. Vous êtes dans cette. C'est ça. Vous avez ce. Alors qui est plutôt grand, hein, vraiment. Hein, c'est genre c'est du. C'est un codex. Oui, voilà, c'est un codex, c'est assez énorme, assez gros. C'est de la page, c'est pas de la page A4, quoi, c'est un peu plus grand quand même. Mais clairement, oui, comparé à tout, le fait qu'il soit déjà, qu'il ne soit même pas abîmé, en fait, rend la chose complètement bizarre. Là, on se retourne vers Heinrich et on lui fait « Qu'est-ce que c'est ?» Moi, je veux savoir quelle édition de Codex c'est. Hein. Du coup, je jette un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est ? C'est dans une langue que tu comprends pas exactement. T'arrives à comprendre quelques mots. Je sais parfaitement lire le Ménésorien. Si c'est pas le Ménésorien, ok. Mais oui, difficilement parce que c'est pas du Ménésorien actuel quand même. Salutations, Vaugeur. Je veux me rendre à Nanas. C'est reparti. en avant. Mais, je crois que je vais vraiment pas possible. Non, mais voilà, on va dire que c'est, voilà, c'est une Menzoria, qui, mais c'est une Menzoria ancien en fait. Et bon, tu as quelques connaissances rapides et tu comprends vite fait qu'apparemment bah, c'est un codex réalisé par le. Par l'évêque de cette cathédrale. Ça doux. Non. Non, ça c'est l'archi-évêque. Oh, là c'est juste un évêque. T'as rien suivi. Ouais. Non. Par l'évêque de cette cathédrale et qui était en train voilà d'expliquer en fait plein de trucs un peu théologiques et tout ça en fait un peu de façon un peu dans tous les sens. Il faudrait se mettre un peu plus dedans pour bien capter le truc quoi. Surtout il faudrait peut-être commencer par la première page, c'est un peu la galère de tout lire. En tout cas ça va sûrement t'embêter de tout lire actuellement, mais les derniers mots en fait, et comme dit Kerry, qui a été écrite de façon très très rapide et sans prendre le temps de vraiment calligraphier la chose, et dont les mots sont moins recherchés, mais peut-être un peu plus, peut-être que tu comprends mieux dans le sens où c'est pas des trucs, c'est des mots des mots très spécifiques, te fait comprendre en fait qu'il y a la terre, les tremblements qui sont actuels, que là apparemment j'ai oublié le nom de ce élémentaire de feu qu'on avait appelé Malboros. Oui, Malboros. Que Malboros s'est réveillé. Enfin voilà. En gros, ça explique en fait les derniers moments en fait de votre premier épisode. Oui. Un peu voilà. Un peu ces derniers moments. Peut-être pas tout en détail, mais ça amène clairement c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas et qui explique en fait que. Bah, les héros vénérés par tous étaient peut-être pas si réellement des héros en fait. Tu as quelque chose en tout cas qui est même maintenant peut-être de l'hérésie, parce que ça parle d'un gars un peu fou, et plus tu lis enfin un peu le truc, tu comprends en fait que c'est en train de parler du dieu d'une religion actuelle, la religion de la loutre. Voilà, il y a des trucs un peu voilà sur plusieurs pages, mais toi écrit assez rapidement, tu vois que c'est vraiment des faits voilà qui sont donnés. Le mec est en train de faire en d'autres gens les boules de feu. Hein, du coup, je me tourne vers le groupe et je leur dis bah c'est juste un recueil de chants et de prières. Ah, oh, pas tellement. C'est le truc super important du lore et l'autre c'est juste ouais, on pousse un torchon. Ça a été écrit par un petit. Je le prends et je l'embarque. Ok. Ah bah vous avez bon, les chants et les prières du coup. C'est plutôt lourd, hein. c'est pas le truc super simple à apporter, hein, on va dire. Ça a une valeur, ça a une valeur historique et sa place est dans un musée. c'est son euphémisme à lui, c'est, tu sais ce qu'il est en train de faire quand il le dit. Écoute, mon cher Heinrich, je connais un musée qui serait prêt à payer fortement pour ce livre. Et je pense à mon ami bibliothécaire. Oui, ben nous verrons une fois que nous serons sortis d'ici. Non. Non, on a fait le tour de la pièce. On peut aller tuer quelqu'un maintenant. Maintenant on peut, oui. Donc mais voilà, vous... c'est cette porte-là. Non, donc, mais comme voilà, je suis un petit peu pressé, je mets un grand coup de pied dedans pour l'ouvrir. C'est un ramiteur derrière lui qui hoche la tête en approbation. Ça. Parfaite maîtrise technique. Ouais. Bah, il a une petite panne. Il est de retour. Le pour le coup, en fait, tu quand tu ouvres les comment cette porte, tu vois qu'en fait il y a encore des escaliers qui descendent, qui encore un peu plus profond. Voilà, si je pense que vous descendez les marches tranquillement, tout ça. Et en fait, quand vous arrivez, vous remarquez que vous êtes dans une catacombe, quoi. Voilà, les catacombes. Vous voyez que c'est sur les à la, tu sais, un peu à la Skyrim, tu sais, où t'as les momies sur les côtés, ouais. C'est ça, les momies sur les côtés. Donc avec si vous prenez un peu de temps, peut-être un peu à lire, vous voyez que à chaque fois c'est genre c'est ici gît le moine machin, ou ici gît l'évêque, enfin pas l'évêque, mais toi c'est plus toi les, c'est plus les petits gens en fait de ce. Ah bah il y en a quand même un, ici gît Monseigneur Pince. Monseigneur Pince, putain. Mais voilà, fallait mais pour le coup, voilà, tu auras plusieurs salles, enfin voilà, des salles, on va dire une longueur de salle un peu comme ça, plus avancée, vous allez, c'est un peu le bordel, il y a à droite, à gauche, enfin voilà, il y en a un peu partout, mais plus vous avancez, plus vous allez, il y a une porte au fond en fait. Célène, toi tu sais que c'est derrière cette porte qu'il y a l'air d'y avoir pas mal de vie. Et plus vous avancez, en fait, plus c'est un monde dans la hiérarchie, on va dire, de l'église. Donc voilà, vous avez commencé par le petit pécor, et là vous arrivez sûrement sur des gars qui sont peut-être le seigneur, enfin pas le seigneur, mais enfin tu peux avoir quelques seigneurs, ou peut-être quelques évêques, et tu vois qu'apparemment il y a quand même quelques barons qui ont été enterrés ici, alors qu'ils devaient peut-être être croyants du truc, de cette religion dont on n'a toujours pas nommé. Voilà. Le prostaglandisme. Donc vous avancez tranquillement, vous y allez bourrin, enfin voilà, je sais pas comment vous irez un peu. Bourrin ? C'est derrière. C'est derrière la porte là-bas. Moi je refais la porte facile. Et je re-kick la porte, hein. Ok, bon bah, en gros, quand vous cliquez la porte, vous arrivez en fait dans une salle circulaire avec quatre grandes statues en fait, un peu sur les points cardinaux, quoi, on va dire un peu, où chacune maintient un objet différent, un peu de ces objets que représentait la statue que tu avais dans ta main, Heinrich. Donc chaque statue a bien sûr plusieurs bras, et qui est donc présente, qui a l'air de présenter un des objets vers le centre de la salle. Centre de la salle où se trouve apparemment tout le groupe et tout ça qui semble être content parce que ont réussi apparemment à ouvrir un tombeau qui était très bien ouvragé. Et sur lequel apparemment plusieurs personnes semblent être mortes à côté, quoi. Enfin, en tout cas, des gars qui sont un peu en haillons, tout ça, qui semblent avoir fait le boulot pour essayer de l'ouvrir, mais avec plus ou moins succès, parce que vous voyez qu'il y en a certains qui sont morts, tombés à terre, d'autres qui sont morts, mais même genre toi, si. Je dirais pas qu'ils ont explosé, mais pas loin, quoi. Enfin voilà, c'est un peu parti, sûrement des pièges ou ce genre de choses. Et donc tout le reste de groupes qui sont quand même une bonne vingtaine de gars qui semblent être super contents, enfin un peu plus d'une vingtaine même, qui sont d'être super contents parce qu'ils sont en train de, ben, de faire un peu la fête et de commencer à récupérer des choses et à les mettre dans des sacs. Enfin voilà, y a, c'est, ça a l'air d'être un peu joyeux. Et bah, au moment où tu as fait ce, ce kick pour ouvrir ça, bah, tu, tout le monde se retourne vers toi. Voilà, tout le monde se retourne vers la porte, tout simplement. Alors, et c'est très lumineux. Comme, je dirais, c'est un peu comme l'image là. En fait, il y a une lumière en fait qui vient du de la du plafond. Du plafond, mais vous savez pas si c'est réellement la lumière du jour ou si c'est si c'est complètement non naturel, quoi. Voilà. Bah c'est... écoute, c'est ce petit moment de flottement où les mecs ils sont en mode attends. Je c'est profite ça, de effectivement là. De ce petit moment de flottement pour courir vers le premier qui passe sous l'épée. Rushby. Rushby, привет. C'est ça. Attends, puis je voudrais vous vérifier un truc. Ouais, Stuka Bilout. Ya, ya, ya. Stuka Bilout. Attends, c'était quoi? Alors, oui, bah oui, non, la, la, la fameuse méthode russe du Nord. Alors, attendez, moi je vais juste prendre deux secondes aussi parce que j'ai pas préparé les. Les gars, Dominion, non, le kit de découverte de Dominion, je vais pas être très utile pour jouer à Dungeon World. Hop. Je suis sûr que ça s'adapte. Alors oui, vu que c'est du tous les deux du PBTA, hein, mais quand même, c'est pas non plus exactement la même chose. Voire même, voilà, pas du tout, parce que c'est pas du tout le... T'as un truc qui est plus lié genre Dune, et voilà, donc... Donc ouais bon donc tu sautes sur les gars direct quoi le ah ouais le premier qui passe il prend l'épée il prend l'épée dans la gueule. Ok, tu fonces dans le tas, tu fonces donc vers le centre de ce truc là. Alors, désolé, hein, il faut absolument que je crée une fiche avec un les brigands parce que je cherche toujours un peu le set à chaque fois à la fin des trucs de mort. Je retrouve jamais. C'est tout con. Faut absolument que je le fasse. Donc voilà, juste pour décrire un peu plus les assaillants, tu remarques un truc quand même, c'est que ils sont tous habillés ben, de bric-à-brac, mais ont tous aussi le chapeau et la plume. Ouais, de la brigade. Ce qui semble être les chapeaux et plumes de la brigade, ouais. Mais un truc en plus en fait sur leur chapeau, en fait, il y a l'air d'avoir une petite fleur ou un petit truc en plus. Que, voilà, une fleur qu'on ne connaît pas comme ça, mais ils ont tout ça en fait. On est des gens. Tac tac tac. Ah voilà. Hop. Il faut vraiment que j'achète le livre et pas le PDF. En fait j'aurais pu ouvrir le PDF et faire la recherche du PDF. Je suis con moi. La la la la. Oui, on sent que c'est la fin de la semaine, que le boulot a été compliqué. Voilà, hein, je d'un seul coup, pourquoi j'ai pas fait CTRL F, cherche garde. Oui, ça aurait été plus simple. Donc. Non, plutôt, je vais plutôt acheter la version papier pour chercher ce que j'ai à chercher. Oui, oui, ouais, tu Oui, ouais, bah en plus, je viens de remarquer que j'avais bien mis un petit truc en plus sur la version papier où j'ai mis bandit, j'ai mis un petit truc en. Oh bah je suis. Oh là là. Oh on va dire que c'est vendredi, c'est permis. C'est ça. Ok. Eh ben. À l'assaut! Let's go. Ah non! Non, à l'assaut, patata yo-yo. Ni le tigo. Je te laisse faire ton action et du coup je fais j'imagine que je te fais un petit taillis en pièces. Bah si tu vas au cac, oui. Ah du coup je vais faire une frappe de l'exécuteur. Quand vous taillez en pièces, vous pouvez lancer 2d6 plus soif au lieu de 2d6 plus force. Tu as combien en soif? 6. J'ai 5 en soif parce que j'ai attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai 5 malus et j'ai 5 en soif. Donc tu as 5 en soif, donc en gros tu auras au moins une réussite mitigée quoi, première vue. Hop. Voilà. Je fais 2d6 plus rien, plus 5. Ah, super. Je fais une attaque parfaite et je fais un dégât. Ouais, bah, ça veut dire que ça reste une attaque parfaite, donc tu peux choisir d'infliger un d6 de dégâts en plus. C'est pas un d6 que je fais des dégâts, moi c'est un d6. C'est pas un d6 que je fais. Ouais, tu fais un d10, ouais. Vous pouvez choisir un d6, on est exposé. Ah oui, non, c'est vrai, on est exposant. Non, j'ai pas lu, excuse-moi, j'ai rien dit. Ouais, donc j'ai oui, fait 1 ça, sur 10. T'as fait 1 sur 10. T'as roll 1 sur ton. J'ai roll 1 sur 10. Ouais, okay. Mais t'as droit à faire un d10 de dégâts de plus si tu choisis de t'exposer à l'ennemi. C'est-à-dire que moi, après, je lance le dé pour savoir les dégâts que te font l'ennemi. Ah, moi j'ai dit. On a reparti full PV au fait de l'auberge ou... Oui. Ouais, parce que j'ai un petit peu oublié de la remettre. Bah, il me semble qu'on s'est reposé une nuit normalement. Vous êtes reposé une nuit donc oui, normalement c'est bon. Bah, c'est ouais, vrai qu'on l'a pas, on l'a pas précisé, mais oui. Je roll mon D6, bien. Écoute, moi je suis fou. Putain. Ah, est-ce qu'on peut considérer ça comme deux échecs, s'il te plaît? Non, parce que les dégâts ne se considèrent pas comme des échecs, c'est sur le jet lui-même. Voilà, 6 pour ça en mettant en danger. Ouais, t'aurais mieux fait de rater ton attaque, t'aurais eu de l'XP. C'est ça, ouais, t'aurais été mieux quand même. Alors, attends. Okay. Non, mais on va justifier ça par. Tu vois, t'as tellement la soif de sang que t'essayes de bien faire saigner ton ennemi avant de. Ok. Bon, non, donc, mais... tu sautes sur le premier gars que tu as, donc tu. Bah, je te laisse faire la description de ce que tu veux faire ou en fait je le fais. Si, je la fais subtile, hein, je cours dessus, j'ai mon épée levée et elle tombe. elle tombe sur le gars. C'est pour ça en fait. Enfin, elle tombe vers l'avant en faisant une belle tranche verticale, tu vois. Ok, voilà, mais voilà. Bon, toi, après, j'ai un petit peu mal jaugé la distance, voilà. Au lieu de le couper en deux, bon, je l'ai gratigné l'épaule. Je me suis laissé voilà, un petit peu emporter. Tu as touché le gars, toi sur le, tu vois que le groupe d'ennemis s'est tourné vers vous. Tu vois que bah il y a un groupe qui, un mec qui passait. Qui... Il fait... Ok. Et donc eux réagissent à ton attaque. Alors, est-ce que je roll ou je vous fais roller le truc? Ouais, bon. C'est-à-dire. Donne-le à Klaus, comme ça il pourra faire son seul 10 de la partie. Non, mais non, je fais pas lancer le jet de dégâts sur sa gueule au gars qui va l'avoir, quoi. C'est pas mort. Dis-le à Heinrich, je crois qu'il est bon aussi en lancer des dégâts, je crois qu'il va faire un critique direct ici. Ouais, Heinrich, vas-y, tu. Ouais, donc je lance quoi? Un D8. Ah, il va faire 8 direct, je suis sûr. Hein? Eh les gars, sur les dégâts, va falloir se... Hein, c'est bien, au moins on est constant. Une bataille de pichenettes. Donc, je ne sais même pas si tu prends des dégâts, parce que tu dois avoir une armure. J'ai une armure. Ouais, de 1, donc tu prends... Non mais voilà, c'est... Donc on dit merci qui? Hein? On dit merci qui? On dit merci, merci les gibouilles. Ok, voilà, bon... Bah, vous avez vu Klaus se lancer à l'assaut et... Ah, au fait, je suis en train de lire justement pour vérifier que j'avais bien une armure. Ma Claymore a fait plus 100 dégâts. Tu as fait 3 dégâts, félicitations. Ouais, bah, je vais le mettre tout de suite là-dessus. Waouh, du coup tu l'as chatouillé un peu plus. Mais c'est pas grave, le compte pas, c'est pas grave, j'ai oublié. Tant pis. Après, je peux le compter, hein. c'est pas gênant. Hein. Je... Bah, comme tu veux. Sur mon truc, hein. y a pas de soucis. Mais j'ai une armure de cuir, armure plus 100. Ouais. Tout à fait. C'est ça. Un souvenir. Eh bien, voyant Klaus jeter vers l'ennemi, je vais moi-même le rejoindre pour lui montrer le véritable pouvoir des ombres. Et je vais roll mon petit défi. Donc c'est un 6 plus 2 plus 11 parce que monsieur a des âmes à tout va. Ça va, j'en ai un bon tiers qui est parti là pour le moment. Un des 6, non, c'est comme ça. Oui, ça. Voilà. Et donc je me lance derrière lui et je saisis le. Pas le même, parce que lui il peut garder son... Oui, je garde le mien. J'en ai besoin. Mais je saisis un dégât par le col de la chemise et je le lance sur ses camarades. Telle une balle de baseball, bien... Bah tu le lances, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je suis sûr que pendant que j'essaie de le faire, il a le temps de mettre un petit coup de... Un petit coup de surin. Ouais, voilà, c'est ça. Non, s'il vous plaît, bah, monsieur. Faut voir qu'en fait, voilà, tu te bats vraiment à plusieurs. Dans, voilà, c'est oui, vraiment c'est ça. Un combat. C'est pas... Je... voilà, c'est plusieurs groupes qui vous attaquent. Enfin voilà, il y a du oui, monde, comme je dis, il y a plus d'une. J'ai dit plus d'une vingtaine. D'une trentaine, quoi. C'est il y a le bon petit groupe qui est quasiment là. Hein. J'avais dit qu'il y avait vraiment pas mal de monde. Et pour le coup, tu vas prendre. Bah, qui veut lui faire ses dégâts en fait déjà? Moi. Bah vas-y, pareil. C'est là qu'il va sortir le 8, tu vois. Je rigole en armure lourde, voilà. C'est ça, et en plus je crois qu'il fait pas de dégâts parce que je crois que tu as 3 d'armure, hein. C'est ça. Ce perso il est abusé quand je trouve. Je trouve que ce perso est abusé. C'est dégueulasse. Le temps qui tombe trop. Donc voilà, tu clairement les dégâts que tu fais, tu arrives à éliminer un petit groupe de gars. Et donc tu ton récupères âme est une à âme. Moi. C'est ça. Tu récupères une âme de façon. Yay. Alors, je suppose que avant de partir, Klaus nous a quand même fait une petite description du type qu'on recherche, non? Oh, cherche le gars qui a le plus gros chapeau. Bah, je sais pas, non, c'est Klaus. c'est à Klaus de répondre là-dessus. Oui, voilà, c'est Klaus. Alors, je vais roll un des trois. Sur un, non. Sur deux, je vous ai fait une description très brève. Sur trois, tu sais autant que moi. Attention. Un. Voilà. Bon, écoute, du coup, moi, je vais choisir le type qui me semble être le chef dans la pièce. Bah, t'as deux gars qui semblent donner des ordres à côté du... du comment, du... merde. Du tombeau. Du tombeau, voilà, merci. T'as deux gars avec deux grandes plumes... voilà. Ok. Il y a quelque chose qui les différencie. T'en as un qui a l'air d'être plus âgé. Voilà, qui a l'air d'être voilà un peu qui a les cheveux blancs, la barbe et moustache un peu blanche et tout ça. L'autre est plus jeune, plus vif, et semble toi préparer un peu la retraite. Voilà, vous voyez que t'en as un qui est plus sur le combat et l'autre plus sur la prévision de peut-être de préparer une retraite. Pour se barrer. C'est comme ça, okay. Comme ça que tu le comprends au loin, quoi. Hein, tu. Ok. Ils ont des objets particuliers dans les mains, les deux. Leurs armes, pour le coup. T'as le jeune c'est plus une rapière. Voilà, ça fait un peu plus rapière dans le principe. L'autre, c'est clairement. Clairement un bouclier, il a l'air d'avoir sorti un bouclier et une épée un peu classique, quoi, un peu bâtarde, enfin voilà. Ok. Qui bon, a l'air d'être plutôt bien hein, quand même. Je veux dire, toi, leurs armes ont l'air d'être bien entretenues en tout cas. Ok. Je utilise mon coup de fouet. Je vais viser avec mon fouet le plus jeune du coup. Ok. Et voilà. Je peux choisir. C'était cette première réussite. Enfin une réussite. Non, parce que maintenant que j'ai assez d'XP pour prendre mon niveau à la fin de la séance, maintenant je peux réussir mes jets. T'as assez d'XP ? Mais moi j'en ai pas encore assez. Non, mais je sais qu'avec la fin de séance j'aurai assez d'XP. Ah oui, voilà, c'est ça. J'optimise mon power level, monsieur. Non, mais je comprends. Alors, du coup, j'ai pas besoin d'éviter ses représailles parce que bon, il est un peu vachement loin avec sa rapière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire lâcher sa rapière dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais le déséquilibrer. Ce qui du coup donnera un plus 1 au prochain qui en tirera avantage pour des jets contre lui. Le prochain qui attaque le jeune sans rapière, il aura un plus 1. Donc du coup, je prends mon fouet et je l'enroule autour de sa rapière. Je tire. Du coup, il lâche sa rapière. Sa rapière tombe à terre. Et je redonne un deuxième coup de fouet autour de sa cheville gauche. Je tire dessus, ce qui le déséquilibre et il tombe. Ok. Donc ça, c'est donc ta réussite, ton jet, t'as fait 12. Voilà, c'est mon action, à quoi elle ressemble en jeu. Oui, non, mais nickel. Voilà. Je fais juste un petit... c'est vrai que j'essaye de donner le fait que c'est des réussites ou des malus pour les personnes qui nous écoutent, au cas où. Voilà. Même s'ils ont normalement la visu, je préfère le rappeler. Ok, donc ça c'est fait. Très bien. Très bien, très bien. Célène. À moi. Qu'est-ce qu'elle fait, Célène? Célène, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contacter son esprit. Et elle va essayer de la convaincre de foncer vers justement le jeune sans rapière. Pour essayer de lui foutre Bon, déjà, mon esprit, ça ressemble à une sorte de banshee, tu vois. Donc, essayer de lui faire avoir une crise cardiaque, ou au moins lui faire très peur et lui faire des dégâts comme ça. Banshee, attaque AVC. C'est ça. Et du coup, ça utilise la magie spirit, si tu veux voir sur l'affiche. Alors, magie spirit... Donc la magie spirit. Bah je te laisse faire le G. Bon, de toute façon on verra ce qui. Aha. Alors, ok. Donc tu as fait un 13 en G. Donc c'est un succès exceptionnel. Donc quand vous faites appel au pouvoir de votre esprit, choisissez l'un des effets suivants. Un allié que vous touchez récupère un des 8 points de vie. Vous infligez plus un des 4 de dégâts à suivre. Vous ou votre esprit déchaînez la colère de la nature sur une créature proche de lui et infligez 1d8 de dégâts. Donc c'est plus le 1d8 de dégâts que tu veux faire, de ce que je comprends. C'est plus. Ouais, genre une banshee, voilà. Qui lui hurle à la figure en arrivant en lui fonçant dessus. Ah! Ok. Très bien, très bien. On réagira sur autre chose avec ça, mais il n'y a pas de souci. Je te laisse faire donc les 1d8 de dégâts. Je suppose que c'est avec ça qu'il fallait que je fasse. Oui, non, mais c'est bon, c'est 1d8, donc c'est nickel. Tu lui fais 3 points de dégâts. Très bien. C'est de la magie. Donc je vais considérer qu'il passe l'armure sans aucun souci. Tac, parce que ce n'est pas. C'est un peu particulier. Paf. Ok. Très bien, très bien. Donc tu vois que la Banshee fonce, enfin se matérialise et fonce sur lui, tout en criant. Voilà. Tu vois que ça les autres bandits, les autres membres du gang apparemment se poussent en voyant cette chose foncer sur ce qui semble être peut-être leur capitaine et donc la réaction est que tu vois qu'il était comme il était à terre suite à l'action de Heinrich, il continue à partir en arrière, mais tu sais à terre en fait, tu sais, ouais. Un peu classique en rampant, voilà. Tel Harry qui rampe au sol pour éviter que le troll des cavernes lui tombe dessus dans les toilettes des filles. Oui. Un peu ça, voilà. Si vous voyez la scène. Non, voilà, non, oui, moi je vois la scène, il n'y a pas de souci. Alors, pour le coup, moi je voudrais savoir, Mister Arbiter. Mm-hmm. Vu que tu as peur, toi qui viens de voir un esprit quand même sortir, quand même, voilà, là, comme ça. De moi. Quelle était un peu ta réaction, même si tu l'as peut-être pas vu qui sortait peut-être directement de Célène. Mais non, je sais qu'il y a l'esprit traîne autour d'elle. Mais voilà, il y a une réaction assez particulière de cet esprit. Donc je veux savoir un peu comment tu réagis en fait, tout simplement. En fait, ce qu'il n'aime pas avec cet esprit-là, c'est qu'il ne peut pas la cogner l'esprit. T'es humain, point, mort. Esprit, point, pas marché. Bon. C'est pas tangible. C'est ça. C'est pas tangible. Tangibilité, capitaine. Et c'est vraiment ça, quand il aime pas ne pas pouvoir gérer quelque chose de façon simple et efficace à travers l'utilisation de violence intense et brutale. Ok. C'est vraiment cet aspect-là qu'il craint, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, il veut pas que ça se retourne contre lui, en fait. Parce que sinon, il peut rien faire. C'est pas vrai. C'est ça. Parce que quelque part, il prend les âmes de ses ennemis vaincus pour en faire sa propre puissance. Mais là, c'est une âme directement qu'il ne peut pas prendre. Voilà. Et du coup, ça, c'est. Ça, c'est pas bien. Casse les couilles, voilà. Voilà. C'est comme un enfant devant les jeux de Bruxelles. Ouais, c'est ça. C'est... Non. Ou les chats devant les concombres, tu vois, c'est pas. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ok, bon, on continue, on avance. Bon, on garde le même, après le même rythme, à part si vous voulez changer entre vous, hein, comme il n'y a pas d'initiative réellement sur ce truc. Hein. Mr. Klaus. On recommence. On va refaire une petite frappe de l'exécuteur. Tu tapes dans le tas, ouais. Ah oui, tu tapes dans le tas des ennemis autour de toi. C'est lui que j'ai pas réussi à buter. Celui qui est arrivé, tout va bien. C'est lui que j'ai. Oui, non, mais moi je suis focus, hein. Moi faut que je tue. Moi, celui que j'ai pas réussi à estourbir du premier coup, je vais m'acharner dessus, hein, tant pis pour lui. Oui, alors après, t'as réussi à toucher, hein. Faut voir ça comme des groupes d'ennemis, hein, je vous rappelle. Bah écoute, je refais un frappe de l'exécuteur, hein, 2d6 plus, plus ma soif de sang. Ah, question bête. Ta soif de sang quand tu. Est-ce qu'on elle descend pas. Elle descend. Enfin, ma soif de sang disparaîtra quand j'aurai fait une exécution cathartique. Quand j'aurai buté quelqu'un, quoi. Ok, d'accord. C'est quand ça. Quand vous infligez le coup de grâce à une personne, monstre ou bête, ouais. Votre soif de sang est étanchée et revient à zéro. Et okay, je perds mes. Enfin. J'enlève les malus que j'ai aussi. Non mais voilà, je voulais savoir pour le coup, j'étais pas sûr. Ouais, j'ai du succès dans mes attaques, moi ça fait peur. Ok. Et donc, comme je combat avec acharnement, donc, je décide de refaire un. C'est une réussite, déjà c'est un succès complet. Donc tu as fait 2 dégâts, mais tu choisis donc quoi d'infliger un des 6 dégâts en plus en t'exposant à l'attaque. Okay. Eh bah voilà! Ça y est! Okay. Là, je me suis vénère! T'étais un exécuteur au diesel, apparemment. Oui, c'est ça. Mais tu te. Donc, voilà, tu vas réussir à battre l'ensemble de tes ennemis qui sont autour de toi, mais. mais clairement. Tu vas devoir pour faire ça bah, te montrer un peu oui je m'expose t'exposé et donc tu vas te prendre quelques dégâts donc qui veut faire si c'est à part moi, si, non Célène. Attends comment est-ce qu'on fait alors tu fais slash R ouais. Plus loin D8. Ou sinon, dans le menu, sur le côté, t'as un dé et tu choisis le D8. Oui, tu peux aussi, ouais. Voilà. Donc je perds 1. Tu perds 1. Les ennemis motivés pour les dégâts en ce moment. Mais ils ont eu peur de mon esprit. Ils ont vu quand même 4 personnes se planter boulets sur la gueule sorties de nulle part. Bah là actuellement. Actuellement, avec vos différents combats, tout ça, vous avez éliminé une douzaine de personnes. Alors, j'ai une question. Est-ce que pour ma frappe cathartique, on considère que c'est comme Lévi, où il faut que ce soit un ennemi à buter, ou est-ce que le groupe d'ennemis fonctionne avec moi ? C'est l'ennemi. C'est-à-dire, si l'ennemi c'est le groupe d'ennemis, ça sera le groupe d'ennemis en fait. D'accord. C'est ça. Donc là, tu viens d'éliminer un groupe d'ennemis. C'est bon. Ah, je me sens mieux. Vous voyez que mon personnage commence à. Ah, une grande inspiration après avoir explosé tout ce qui est autour de lui. Tu fais. Non, mais ça. Chelou ces gens. Là, il est en train de se faire se tripoter les oreilles là. Oui c'est ça. Je viens d'allumer un spliff et je viens de le fumer. Je suis posé là. C'est bon. Je suis un peu plus calme, un peu plus serein. Où ça. Voilà. Pourtant l'arbitre il est en danger. Ok. Très bien, donc arbiteur, toi tu as éliminé un groupe d'ennemis. Oui, clairement, il reste des ennemis. Il en reste une petite, un peu moins d'une vingtaine. Il en reste trop pour qu'il puisse vivre. En sachant qu'il reste aussi les deux. On va dire les deux chefs, on va dire. Oui, les 1,5, avec ce que le premier s'est déjà pris dans la gueule, je dirais. Ok. Klaus, lui, il est détendu. L'arbitre n'est pas détendu. L'arbitre, on sait pas pour ce qu'il est, en fait. Il continue. Voilà. Arbitre, il continue. A priori, il vient de faire de la purée de bandit. Il est occupé de faire un duel avec un duel de celui qui tue le plus avec mon esprit. Et 1 voilà. Et 2 Ça compte actuel... quand même 2 pour 1 C'est ça. Actuellement, tu viens de récupérer une âme, déjà. pour la gloire de l'Ulfkrim. Et tu as, voilà, tu as éliminé, voilà, 5-6 gardes, enfin 5-6 gars du gang, pour le coup. Donc, je sais pas si tu choisis que ce soit sanglant, pas du tout. Ah non, mais dans ma vue, quand un ennemi meurt, il explose dans un pouf de confetti ou de sang et d'organes, mais c'est plus ou moins la même chose. Nous sommes combat friendly, ça finit en confetti. Voilà. C'est comme le pyro de Team Fortress, c'était des confettis. C'est ça, la réalité. Des confettis de sang. Sauce tomate. chunky marinara. C'est pour nos viewers de moins de 18 ans. Pour les moins de 12 ans. Officiellement, c'est de la salsa. Officieusement, en organe. Et donc d'organe. Donc, ok. Donc voilà. Donc, donc là, la grosse armure ambulante qui est en train d'éliminer à tour de bras. Lui, il est en train de tester toutes les fatalités de Mortal Kombat. C'est que... Putain, Lévi, tu fais chier. Maintenant, j'ai la salsa des organes en tête avec la mélodie de la salsa du démon. C'est la salsa des organes. Voilà. Sauvez-nous! Sauvez-nous! Je pense qu'il est un peu tard pour ça. Hein. Vos âmes sont à moi! Okay. Heinrich, alors? Oui, c'est moi-même! Oui. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, qu'est-ce qu'ils font les deux chefs? Du coup, il y en a un, il rampe au sol. C'est ça. Il y en a un qui est en train de romper en sol, qui est en train d'essayer de s'éloigner en fait un peu de tout ce combat et de la chose qui lui a gueulé dessus. L'autre, tu vois, il a remarqué que clairement Klaus et l'arbitre sont des personnes très bourrine, très connaissante de la chose, et donc qui est en train de mener en fait le reste de ses troupes pour tenter peut-être une excursion vers la sortie, quoi. Tu vois qu'il est en train. Alors vers la sortie par laquelle on est rentré ou vers la sortie Alors il n'y a qu'une seule sortie. Ok. Il n'y a qu'une seule entrée donc. Il n'y a qu'une seule entrée, mais il n'y a qu'une seule sortie. Oui, voilà, mais est-ce que l'entrée et la sortie sont la même? Ah, ça dépend. Est-ce que c'est marqué sortie au-dessus avec un panneau vert ou... Je sais pas, justement. Il manque que tu connais pas. C'est écrit en mail de Zorian, ancien. Merde. Zorian. Non, voilà, il n'y a que par l'endroit où vous êtes passé qui sont... En tout cas, tu vois rien d'autre, toi, tout clairement. Il n'y a pas en face, il n'y a pas de porte. Voilà. Et tu vois que lui, il a la direction, il regarde, on va dire, je pense, dans ta direction, parce que je pense que tu es plus vers la porte. Oui, tout à fait. Toujours être près d'une porte, c'est important. Alors, bah, ouais. Bah, vu que l'autre il rampe, il est moins important là tout de suite, du coup, donc on va peut-être s'occuper de l'autre grand chef à grand coup de fouet et essayer de également lui faire subir des choses. Alors, c'est un succès partiel. Alors, du coup, j'ai choisi une des options dans la liste. C'est ça. Donc, le fouet est un outil efficace entre vos mains. Je vais les déplacer vers un endroit à portée. Tu sais, genre, je sais pas, ils sont loin l'un de l'autre, Arbiter et Klaus. Le plus proche, non, c'est sûrement Klaus, je pense. Ah bah écoute, d'un coup, bah du coup, je l'attrape, tu vois, avec le fouet à la cuisse. Et puis je tire dessus, et du coup, il est obligé de suivre le mouvement pour se rapprocher de Klaus. Genre, bonjour, Klaus, tiens. Voilà. Bon, bah, réflexe moteur, hein. Klaus, fais un truc. Est-ce que ça fait une attaque d'opportunité? Non, ça on ne va pas faire le coup du du kobold du kobold de rapière qui tripe tout le monde. Non, mais pour le coup, on va déjà savoir ce que fait Célène avant. Mais... moi, je vais continuer à guider mon esprit vers celui qui rampe pour l'achever. Qu'il meurt de peur. Bah, je te laisse refaire la même. Ah, ah bah voilà. On est en train de décider d'avoir de l'XP. sur un 6, résultat de l'action sur un échec. Attends, tac tac, l'effet. C'est bien ça. Donc là, bah, en fait, ça va pas réaliser. Ouais, elle continue de lui gueuler dessus, mais sans plus quoi. À ta gueule. Non, en fait, il y a un truc qui va se passer, c'est que ton esprit. Défini quelque part, mais je suis en train de le trouver. Quel était le défaut de ton esprit? Elle était arrogante. Quoi, déjà? Elle est arrogante. Bah, tu vois que ton esprit, l'esprit va pas l'attaquer, mais va le prendre de haut en fait, la personne qui est à terre et commencer à rigoler, ouais. Toi, de façon un peu. C'est ça, un peu démoniaque tout ça. Et bah, je te laisse choisir une réplique arrogante que tu peux faire à cet homme à terre. Et voilà. Alors, juste lui rire au nez, bien lui montrer qu'il est c'est un ver de terre. Voilà, ver de terre, tu rentres comme un ver de terre et tu resteras un ver de terre. Mais ça fait deux fois ver de terre. De même trois. Piètre, oui, mais il sait pas compter, il faut pas lui dire. Ok, voilà, mais voilà, donc il n'y a rien qui se passe à part ben, voilà, que c'est un ver de terre. Que ton esprit se pavane et de façon arrogante face à son ennemi. À son ennemi. Et voir peut-être. Même se retourne peut-être vers toi et te lance peut-être une pique arrogante aussi à toi. Peut-être en t'expliquant, c'est comme ça qu'il faut faire. Avec les hommes. J'aime bien, vas-y, je prends, je garde. Ah, génial. Ah, je valide tellement. Ah mais je valide tout aussi. Tout d'un coup, Heinrich, il est refroidi un peu là, je pense. Bah non, parce que je peux pas voir l'esprit. Donc j'en sais rien, moi. Vu qu'elle est en dehors de moi, on peut la voir là. Et là ah, on va l'entendre. C'est visible, là, clairement. Ouais, là, l'esprit est visible. Oui, bon, ben, merde. Bah du coup, Objection. Oh, bon. Ok, bah Klaus, toi qui as vu arriver cet homme vers toi et bah, qui semble plutôt bien à la description qu'on t'a faite en fait. Ouais, écoute, bah, je m'en doutais, plutôt, ça tombe bien, écoute. Bah, il va prendre un coup d'épée dans sa gueule. Donc je vais juste faire un taillé en pièces standard ce coup-ci. Parce que j'ai plus de soif de sang. Touk. Alors pour rappel. Ouh. Tac. Voilà. Ouh, il a pas aimé. Ok, tu fais un taillé en pièces. Qui est une réussite complète. Tu fais parce que t'as fait un 12. Et tu fais 10 de dégâts. Ok. Tac. Bonjour, Sproch. Est-ce que tu fais des dégâts supplémentaires ou pas? Tu choisis de te Ouais, t'es... allez, je peux prendre le risque là, le mec il vient sur... C'est de savoir après, c'est juste pour... Ça fait 13. Ouais. Mmh. Alors, clairement, tu lui fais extrêmement mal en fait. Tu vois que tu donnes un coup d'épée. Voilà, ça c'est une épée que tu as. Qui, oui, c'est une épée à deux mains, je crois. Qui, c'est, oui, parce qu'il est mort. Tu prends un coup de clé mort dans ses dents, quoi. Bah, il prend un coup de clé mort dans sa main, quoi. Sa main qui tient l'épée est coupée en deux. T'en profites pour peut-être l'attaquer également sur le au torse. Tu le touches, mais tu vois qu'il n'est pas mort. Il tombe un peu un pied à terre, mais il est encore vivant et te donne un petit coup, toi, de bouclier pour te repousser un peu, mais tu vois que ouais, il est fini, beaucoup de force, quoi. Il est pas fini, mais il y a plus beaucoup de force. Est-ce que je peux me permettre de le finir, mes chers compagnons? Oh, fais-toi plaisir. Je vais finir la partie construite avec les copains. Poser la question, tu vois, donc bon. Non, Enrich, il est toujours sur la pique de mon esprit. Oui, non, mais Enrich, il dit c'est génial. Non, l'arbitre est en train de faire sa peinture. D'accord. C'est comme ça que t'appelles faire les ongles, si je fais la peinture, en fait. Man, we have a happy little... Il est en train de dépendre, la c'est ça. Il est en mode Bob Ross. And a happy little tree there. Ok, bah écoute... Il est quand même pas loin d'être à terre ou quoi que ce soit, bah je lève bien mon épée et je la descends droit sur sa tête en criant RECT. Alors tu... Dans quel sens tu écrabouilles la tête ou tu les coupes en deux Non, je le coupe en deux dans le sens de la longueur, des deux hauts en bas. De la hauteur. Mais je tape pas niveau pile poil sur la tête, hein, parce qu'il va falloir quand même que je la ramène. Mais je tape juste entre l'épaule et la tête. Ok, d'accord. Non, parce que moi je pose vraiment la question. Hein. Si je pose la question, c'est... Oui, non, mais justement, je le coupe dans le sens de la longueur, dans une légère diagonale qui passe du cou, du niveau de la clavicule, jusqu'à l'entrejambe. Ok, bah vas-y. Lance taille en pièces, hein, parce que même si c'est une... Un finish hit, il faut pas un bon finish, ouais. Fatality. Bon, tu le fends en deux de la clavicule au burn, une histoire c'est d'amour. C'est un et on voit un ralenti, on voit le mode rayon X de... Et là, t'as mon esprit qui voit et qui fait hein. Ou alors on fait comme ça. Donc clairement, oui, voilà, tu viens de tuer de façon propre et... Pas sans bavure, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. C'est ça, tout ce qui peut être plus propre, ce qui peut l'être, en tout cas, tu viens de tuer sa tronche. Il a pris un épée dans sa tronche. Voilà, donc tu viens de tuer le chef sa tronche. En tout cas, au vu de la description que t'ont donné la brigade civile. Il reste du monde. Il reste une douzaine de personnes plus l'autre qui est à terre là. Tu vois qu'il y a un groupe de gardes, enfin de bandits et tout ça là qui courent vers la sortie. Et voilà, vers toi et Enrich. Et les autres bah, qui sont peut-être en train de peut-être plus être pris dans ton côté arbitre. Ah merde, j'ai fait un double 1. Ouais, je me disais, c'est marrant, je vois 16 succès complets, mais 16 il est rouge. C'est la fée, il a fait 2 et 1. Sauf que quand il a 13 en plus, c'est de la, c'est abusé ça. 2 dégâts. Non, attends. 5, c'est bon. Et là, tu vois que. Que les gens vont peut-être. Tu vois qu'il y a encore des survivants, en tout cas. C'est ça. Et... J'ai réussi à choper un, je suis en train de le traîner par la cheville, et pendant ce temps, il y a des autres qui sont en train de courir. Il y a des survivants, mais surtout, tu vas prendre des dégâts. Ouais. Donc, qui veut lancer le dé de dégâts pour. Moi. Bah, vas-y, D8. 4. Oh zut alors. Excusez-moi, j'ai essayé de te mettre une gifle. Oh, manly cheer. Oh. J'ai essayé de te dire. Ah, tu vas devoir refaire ta peinture. Que. Ouais. Ok. Ça, c'est pendant que je suis en train de le traîner, il est en train de se débattre. C'est le coup. T'es... Ah. Attends. J'ai encore besoin de peinture pour faire mes petits arbres là. Et donc ouais, donc il y a un petit groupe là de 5-6 gars là qui est en train de courir vers la sortie. Donc je sais pas ce que vous faites, Heinrich, Célène. je vais les arrêter à grands coups de fouet, voyons. Moi je vais essayer de convaincre mon esprit d'arrêter de crâner là-bas au fond et de foncer sur eux soit pour les tuer, soit pour les dissuader, ou les faire courir plus vite, au choix. Alors moi du coup je vais me servir de mon fouet pour de 1 éviter les représailles ou la contre-attaque. De deux, je vais les déséquilibrer ou sonner au choix, tu vois. C'est histoire juste, je donne des coups de fouet devant moi, tu vois, juste histoire qu'ils puissent pas passer et accéder à la sortie. D'accord, ok. Oui, c'est ok, c'est en mode genre je vois bien la scène, sauf que au lieu d'être Indiana Jones contre un serpent, c'est Indiana Jones contre des bandits quoi. C'est un peu ça. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'ils ont un plus 1 je crois à suivre à son lancer. Oui, la prochaine personne qui attaque a un plus 1 à suivre. C'est ça, donc ça va être donc de toute façon ça fonctionne dans tous les cas. Très bien. Et donc tu vas pour les plus le quoi les tuer les enfin les tuer okay. De peur. OK. Et ben donc un des 8 de dégâts, on va voir. Alors, non, ils ont pas très peur. Non. Il y a de la réussite dans nos jeux ce soir quand même. Ils ont leurs cheveux qui ont blanchi. Ils ont pas très peur. Dans l'essentiel, mais il y en a un en fait. Il va peut-être avoir une petite crise cardiaque, il va tomber quoi. mais ses cheveux vont devenir tout blancs. Mais en fait, tu vois que les autres. Les autres se sont. Il y en a certains, toi, qui sont face au fouet, et les autres se sont retournés pour faire face à l'esprit. Ouais, l'esprit. Mais voilà, il y a. Tu vois qu'ils sont bloqués, mais. Qui est tombé reine mort de crise cardiaque. C'est ça, tout à fait. Les autres, ils se pissent dessus. Les autres, ouais, voilà, ils sont pas top parce qu'ils savent que ça va mal se passer et qu'il faudrait qu'ils arrivent à sortir. Ouais, voilà. Mais c'est pas grave, ils ont tous un pantalon marron. Et jaune derrière. Non, bien sûr, c'est pas ça. Ok. Billy là-bas, il a porté le pantalon marron. Il a trouvé. C'est ça. Lui, il est venu équipé. Lui, il a compris. Très bien, très bien. Et ben, on reprend. On reprend encore. Il y a le père de terre qui est toujours là-bas. Ouais, quoique. À vous de voir. Est-ce qu'on continue le combat où vous voulez faire peut-être 10 prisonniers? Je sais pas, en fait, là. Je vous pose la question. Bah, moi, déjà, je vais lâcher un bien fou en voyant. Allez! On lâche ses armes! I'm breathing. Et moi, je suis en train de découper la tête de leur chef. Ouais, putain, j'arrive pas à couper, c'est chiant là. Quelqu'un a un couteau? Du coup, je vais rajouter. Allez, on lâche ses armes ou je laisse Klaus s'occuper de vous. Klaus, c'est lui. Oui, non, mais je pointe. Alors oui, non, mais j'ai fait le geste, mais forcément vous l'avez pas vu, mais je pointe en direction de Klaus. And a happy little tree there. Ouais. Vous voyez que les survivants, c'est-à-dire, ouais, il y a quoi, 5, 6, ouais, il y a une 7 survivants. Clairement, ils sont plus nombreux que vous, mais au vu comment vous avez, c'était un peu champ de blé. La situation. Voilà. De 20 à 7. Plus d'une trentaine à 7, ouais. Même, ah bah, c'est, voilà. Toi, leur chef étant mort, clairement l'ensemble jette leurs armes à terre. Comprennent que ils préfèrent rester en vie. Hein. La vie, même la plus chiante, est toujours mieux que la mort la plus épique. Mais il m'a manqué encore 3 arbres, putain. Et mais reste en fait le jeune le ver de terre qui se relève et qui vous regarde et fait vous êtes qui vous? C'est pas normal. Pire cauchemar. Ton destin. Je suis la mort. Ton père. Je suis Heinrich Fusscroft, archéologue de renom. Vas-y, redis-le. Le renom. Blague. Je vais me coucher maintenant. C'est con. Putain que c'est con. Tu vois que à un moment où tu dis ça, toi, il y a peut-être, tu sais, une petite auréa de lumière qui brille vers toi et t'as le sourire Colgate et donc tu as le jeune qui pas nickel mais qui est encore debout, il fait je m'en souviendrai. Et on va terminer. Et vous ferez bien. Et moi je dis claustrophobe exécuteur. Mais donc on va stopper là sur cet élément parce qu'il va déjà être minuit et demi là quasiment, donc ils deviennent tous comptables à la caisse des donjons. Maintenant ouais, je pense qu'ils vont faire une reconversion les mecs. Oui, ils pourraient faire une reconversion de toute façon. Non mais bon, je sors l'idée comme ça parce que je viens d'y penser. Je trouve plutôt sympa. On va terminer tout ça, mais on est parti sur un jeu où il y a un jeu de gang. Voilà, vous avez des gars. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les recrutez ou est-ce que vous les recruterez pas? Vous en discuterez à la prochaine séance. Mais je trouve l'idée qui peut être sympa. Voilà. De créer notre propre gang, ça peut être rigolo. Je lance l'idée, hein, parce que je viens de l'idée. Ouais. Là, moi j'ai déjà mon gang, à la rigueur, peut-être. Je sais pas, recruté pour le CTF. voilà. Très bien. Donc, on est en fin de séance, mes amis, parce que comme ça fait un petit moment qu'on joue. Putain, je trouvais que c'était un bon arrêt de s'arrêter ici. J'ai même pas levé le. Alors, hop. Tac, tac, tac, tac, tac. On va faire donc le move spécial de fin de séance. Tac, fin de session. Tac. Voilà. Donc, quand vous finissez une session ou soirée de jeu, si vous pensez qu'un de vos liens est résolu, vous en avez fait le tour, il n'est plus pertinent ou autre, demandez au joueur du PJ lié au vôtre s'il pense de même. Si c'est le cas, vous marquez un XP et créez un nouveau lien avec vous, machin. Donc, on va commencer. Arbiter, est-ce que un de tes liens a été réalisé ce soir? Je ne sais pas si Klaus a vu le véritable pouvoir des ombres. Peut-être. Le cadet, il est relativement à mon avantage, je pense, mais je ne sais pas s'il pense que ça suffira. C'est à Klaus de savoir si tu sens que... Est-ce que tu sens que les exploits de Arbiter... démontrent la véritable puissance des âmes. Bah, vu le résultat que j'ai eu de mon côté, bon, pour moi c'est kiff-kiff. Ah, ok. Apparemment, donc, non, Arbiter va devoir faire mieux. Malgré mon magnifique tableau. Malgré ton magnifique tableau, j'ai quand même, moi aussi, de mon côté, coupé un mec en deux d'un seul coup. Ok, non, donc, c'était le seul lien que j'avais, donc... T'avais qu'un lien, toi. Ah oui, t'avais pas décidé de créer d'autres liens. Okay. Non. Si, tu vois mon esprit. Non, ça, c'est un lien avec... C'est ton lien avec lui. C'est pas... Ouais, c'est ça. Attends, je note juste un petit truc. Ok. Mr. Claustrophobe. Alors, pour les liens... Alors, Arbiter partage ma soif du combat. Bon, bah c'est un lien qui... Ça, je pense qu'on est bon, là. Ouais, là, je me pas mal, là. Mais je pense que c'est plus un lien passif qu'actif, tu vois. Pas question de temps, qu'est-ce que t'en penses. Bon, de toute façon, je pense que là, on l'a résolu pour ce soir. Mm-mm. Bah, c'est dire que c'est terminé. Ce lien est terminé, vous êtes considéré que vous avez tous les deux la même chose. Parce que du coup, c'est... Enfin, c'est... Pour moi, c'est un passif, quoi, donc... Ouais, mais justement, mais tu le reformules en autre chose, du coup. Oui, tu le reformules en autre chose, tu l'as terminé, et on peut reformuler un autre truc. Avec concours de bite, Arbiter, ça te tente? Voilà, tu vois, c'est... J'allais le proposer. Ah ouais, d'accord, ça me va. Voilà, ça veut dire que... après, il faut savoir quand... C'est cool, mais il faut savoir quand tu définis ce lien, comment tu peux le finir aussi. À quel moment... Ouais, je vais y réfléchir. Tu finis. Mais tu termines ce lien... Je termine le lien et je vais en créer un nouveau. C'est ça. Moi je dis. Enfin, pour l'instant, je le donne sous le projet nouveau lien concours de bits. Et puis je trouverai un nouveau truc pour formuler. Moi je dis, sur les 3 prochaines séances, on fait le total des kills. Ça ne compte quand même que pour là. Et quand j'aurai vaincu, j'aurai démontré la puissance des ombres. Ouais, voilà, carrément. Et je peux compter sur Heinrich pour me mener à mes proies. Et là, j'ai envie de dire non. Parce que c'est pas Heinrich qui m'a mené à mes proies. C'est Heinrich qui m'a ramené, mais devant toi, sur un plateau d'argent. Pour moi, c'est Stellar qui nous a... Mais je suis d'accord pour dire qu'il est pas encore tout à fait résolu. Mais disons qu'on a fait un pas dans la bonne direction. On a fait un pas dans la bonne direction, mais c'est Stellar qui nous a montré la voie, tu vois. Ça, oui, enfin, j'étais quand même servi le mec sur un plateau d'argent au final. C'est vrai, donc, c'est vrai. Voilà, et n'oublions pas. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il n'est pas résolu. Bon. Ok, voilà. Bon, donc le lien c'est fait. Alors, monsieur Heinrich. C'était Célène, non? Non, Heinrich. Non. Heinrich après Célène. Ah oui, non, pardon, c'est moi qui. Alors, oui, non, mais après... Alors, il y a, un lien que je validerais bien, mais juste parce que la manière dont il est formulé, tu vois, j'aimerais bien le remplacer par autre chose de plus intéressant, du coup. qui est « Ce n'est pas la première fois qu'Arbiter et moi sommes dans le pétrin ensemble. Je tentais de libérer un artefact des mains des chultistes et nous les avons vaincus. » Donc oui, c'est bien, mais ça pue un peu de la gueule comme formulation, je trouve, à force. Donc, bah, c'est comment tu le résolus ensemble. Ouais, non, mais voilà, on s'est rebattu ensemble, du coup, il est résolu, n'est-ce pas, Lévi? Bah, c'est pas la première fois qu'on... Est-ce qu'on était vraiment dans le pétrin? Non, on a plutôt bien géré la situation, je trouve. Hein. Oui, donc en gros, je garde mon lien de merde, merci les gars, quoi. En fait, je pense qu'il sera résolu au moment où on se sortira de nouveau d'un combat, mais qui est dur. Bon, MJ, prochaine séance, je veux un combat. Après, dur, c'est dur. Après, alors, c'est un peu difficile de mettre des combats durs oui, quand t'as ça, deux putains de gros bourrins qui réussissent leur jet, même s'ils font double 1. Bah, tiens, moi je propose une clause que si un double 1, ça rate. Faut que ce soit plus situationnel, peut-être. On soit vraiment dans le pétrin, genre on s'est fait capturer, ou alors on est entouré par des ennemis. Ouais, c'est vrai que ouais, pourquoi pas. Quelque chose comme ça, ouais, un truc dans ce genre-là. Ok. Bon, moi je note dans un coin ce. Et puis après, ouais, les deux autres liens que j'ai. Je me fais du souci pour la capacité claustrophobe de survivre dans un donjon à cause de son approche trop directe. Il ne saisit pas les certaines subtilités de l'exploration de donjon. Ouais, non, il n'est pas devenu moins bourrin, donc... Alors, pour le coup, oui, je suis désolé. Là, il n'y a rien qui est résolu du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Alors, moi, après, je trouve que sur le dernier, il y a possibilité, il faut voir si... Après, Célène est tellement innocente, il faut que je la mette au courant du fonctionnement du monde. Donc, je me suis efforcé de le faire au fur et à mesure, mais moi, je le considérais pas encore comme résolu. Ouais, d'accord, vraiment. Ok. Ok, non, bah, comme j'ai dit, hein, c'est juste celui-là, je vois qu'il y a des choses qui avancent, donc c'est pour ça que je. Ah oui, non, on va dans la bonne direction, mais elle est toujours genre, oui, mais alors, mais pourquoi ceci, et pourquoi cela, et pourquoi la corrida Ok, donc bon, bah, pas de lien. Lien terminé alors. Non. Tac. Donc les liens, Célène. Toi, qu'est-ce que tu as comme lien? Ben moi, j'ai Arbiter voit mon esprit et le craint, mais bon, ça, on sait pourquoi. Enfin, il l'a expliqué. Et c'est tout. C'est ça. C'est après, c'est de savoir. C'est pour la résolution ouais. C'est de savoir. C'est est-ce qu'on. Ben, moi, je dirais bien que. Bah pour qu'il soit résolu, je dirais bien qu'Arbitraire devrait laisser couler et ne plus avoir une sorte de jalousie, si je comprends bien, dessus. Une proposition, peut-être à approfondir. Ouais, je pense qu'il faut redéfinir un peu le lien. Il manque un truc pour la résolution du lien, en fait. Ouais. Donc il y a pour Klaus et mon esprit connaissait l'un des de ses ancêtres. À poursuivre. C'est ça. C'est ça, il n'y a pas eu de... Ah. Et Henry, je dois m'apprendre les choses du monde, mais que je ne pige toujours que dalle, donc c'est pas encore ça. Moi, je propose que ce lien se résout quand elle gagnera au Krabs Maga. C'est pas faux. Du coup, c'est moi qui lui expliquerai les choses du monde. Mais... Ce lien se résoudra. Ah, d'accord qu'il se résolve. Ok, bon, très bien. Donc, ouais, pas d'XP non plus. Tac. Donc, tous les liens ont été passés en vue. Vérifiez si vous avez agi en fonction de votre alignement au moins une fois dans la session. Donc, on va commencer. Bah, on va prendre par Célène. Voilà, on va faire l'inverse. Célène. Alors, moi, c'est utiliser ma magie ou mes compétences pour aider un esprit ou une personne. Je ne pense pas que les gens qu'on a sauvés des cages soient comptés dedans. Bah t'as pas une vision d'esprit pour. C'est ça. À part, à part les descendre, enfin à part aider pour les descendre de leur truc. Personnellement, je compte pas ça comme. Ok. Mais donc ouais non pour aider je vois pas. T'as pas aidé non plus les esprits. T'as vu donc, non je. Je ne vois pas non plus. Heinrich, ce que je sais que tu veux, vas-y. Ah bah oui, non, mais là clairement j'ai agi en fonction de mon alignement, monsieur. Oui, hein. Je le sais très bien. Je... Un trésor puissant et le garder pour soi. Ouais, non, mais c'est qu'un livre de prière, fuit. Voilà, ça mérite un XP, ça. De chant et de ça. Prière. Oui, bah j'ai plus ce que j'ai dit, mais c'est pas important. Hein. C'est, voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de retenir. Ah bah moi j'ai une bonne mémoire. Donc oui, tu gagnes un XP là-dessus. Y a pas de soucis. Ah bah oui. Oui, t'inquiète pas, je l'ai noté direct. Ok, ok. Klaus. Alors moi, c'est mettre à profit votre soif pour exécuter un ennemi redoutable. Non, parce que j'ai pas utilisé ma soif pour zigouiller le dernier. Oui, et puis il était pas vraiment redoutable, il est mort comme une grosse merde. Il l'as fendu en deux avec les clés au burn. Par contre là... Ça va, hein, au niveau des stats, ça reste un bon ennemi. C'est vrai qu'il a quand même fait un 10 sur ses deux gars. Oui, voilà. Il s'est fait éclater comme un caca. 11, bon... Je pense que même moi, je me serais two-shot. Hein, Bah, si tu veux, le gars avait 12 PV avec 2 d'armure, donc c'est pas négligeable non plus, quoi. C'est pas de gros truc, mais c'est. Ça mais de toute façon, vu que je l'ai tué à la classique, on va dire. Ok. Donc, ce n'est pas résolu. Tac. Enfin, voilà. Et Arbiter. Alors, se mettre en danger en suivant les préceptes de son maître, l'ultime être de la destruction. Je pense que oui, parce qu'à chaque fois que j'ai fait un taille en pièces, je me suis toujours exposé aux attaques pour faire plus de dégâts. Pour... Oui, bah oui, c'est facile avec 3 d'armure en même temps, monsieur. Là, c'est clair. Hey, j'ai perdu un PV. J'ai pris des risques, ouais, faut le dire vite, hein. Il y a plus de 50% de chances que je me prenne des dégâts là-dessus. Techniquement, c'est un risque. Mais mec, t'as un dreadnought. Comment tu veux prendre des dégâts? J'avoue que je crois que son surnom, ça sera The Dreadnought. Arbiter. Bah, moi, je trouve qu'il y a un peu de vrai, ouais, dedans. C'est juste... Non, mais c'est un combat, mais... c'est juste, voilà, c'est pour lui casser les couilles, mais oui. Mais non, mais c'est... Non, mais je... Non, parce que je réfléchis au truc en me disant, bah oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est trois putains d'armure, mais oui, c'est ça, ouais. Mais non, mais l'armure, elle est là pour, pour mitiger le risque, mais elle ne le supprime pas. Donc, ouais, tu gagnes ton XP là-dessus. Yay. Ok, bon, bah on va terminer donc par les questions de fin. Avons-nous appris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde ? Le monde est rond. C'est avec des éléphants et des tortues à l'intérieur. Voilà, c'est ça, c'est très important. Ça. Est-ce que c'est important ? Ah ben, ça remet tout en cause. Si le monde n'est pas plat. Non, mais nous avons appris. Alors, moi, j'ai appris autre chose d'important. Tu vois, j'ai choisi de ne pas le partager avec le. Mais techniquement, du coup, le groupe a appris quelque chose, même si je ne l'ai pas partagé. Hein. Ouais, bah, du coup, c'est pas le groupe. Il existe des écrits. Oui, bah, du coup, non, mais je suis en train de parler pour que tout le monde ait l'XP. Mais sinon, je prends mon XP tout seul et voilà, hein, c'est comme tu veux. Hein. Bah, ça paraîtrait plus logique quelque part, parce que toi, t'as appris quelque chose, mais pas nous. Vu que tu fais ça un petit peu en... Mais bon, j'y serais pas arrivé sans vous, tout ça, l'amitié, cuit les oiseaux... Pour le coup, pourquoi, oui, tu l'aurais pas vu... Tu l'aurais pas eu comme ça sans Célène, c'est sûr. Voilà, il y a ça, et puis même, de toute façon, ça c'est des trucs, je considère c'est tout le groupe, hein, c'est pas des trucs individuels, les trois dernières questions, hein, c'est soit c'est pour tout le monde, soit c'est pour personne. Ah bah c'est après c'est ensuite le groupe doit répondre à ces trois questions, donc c'est vraiment si c'est, bah c'est vrai qu'on a voilà, trouvé des récits sur voilà et puis même il y a les autres bouquins dans les bouquins oui c'est vrai qu'on a et sans savoir ce qu'il y a dedans on sait que ce bouquin il est autodépoussiérant. C'est vrai, on a appris quelque chose voilà donc on sait que les livres magiques ça existe. Il y a un truc aussi, c'est qu'ils ont appris que les énormes livres qui ont l'air très précieux sont juste chiants et pas importants. J'aime bien. Ça, c'est le reste du groupe qui a appris ça, oui, effectivement. Donc, tout le monde a appris quelque chose, on a un XP. Voilà, on va dire oui, il y a des choses qui ont été apprises. Enfin. Qui ont été appris ou qui vont être apprises ce livre. On va pas non plus se mettre. Mais est-ce qu'on a trouvé un trésor mémorable? Tout à fait. C'est pas le bouquin. Le bouquin. Oui. On a trouvé un trésor mémorable. C'est pour ça que j'ai eu mon XP d'alignement. Donc voilà, on a automatiquement l'XP du trésor mémorable si j'ai mon XP c'est d'alignement. Ça. Et le monstre remarquable, il compte ou pas? Avez-vous vaincu un ennemi ou un monstre remarquable? Il y avait la pierre. Je considère que oui, vous avez battu un chef de gang. Non, on a abattu. vous avez battu, dont un a abattu le chef de gang. Voilà, mais il y avait du team up. Moi, je tuais les mobs et. Non, mais voilà, pour moi, vous avez trois oui. Yay! Le chef j'ai de gang, c'est sa tronche, qui s'appelait. Donc, oui, l'histoire dans le livre. Et oui, le livre magique de la déesse. Level up. Plus tard. Level plus tard. Ok. Alors, et donc, se termine donc cette troisième séance de Dungeon World avec la fine. Je sais pas si fine équipe. Avec l'équipe. Avec l'équipe, quoi, déjà, c'est pas mal. On a l'équipe. Maintenant, on va chercher la finesse quelque part ailleurs, je pense. Non, mais il va prendre un jour l'autre bourrin, là. Un jour, il prendra un piège et tout, ce sera parfait. Il va ouvrir une porte, il y aura un pendule de l'autre côté. Ouais. Avec. On va s'arrêter là, je vais couper l'enregistrement et le live. Donc merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à discuter sur le live. Hein. Je vous lis. Le Discord, ça, hein, tout ça. Alors voilà, il y a le Discord aussi si vous voulez. Je sais pas si t'as une commande Discord. Non, j'ai pas la commande Discord. Ah si. J'ai bien fait les choses. Bon lien Discord. Techniquement oui, ça doit être un bon lien Discord. Donc voilà. Donc merci, priori, merci à tous et je vous souhaite à la prochaine. Ciao ciao. Des bisous. Bye bye et bonne année. Bonne année. Bonne année. C'est important.